for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline. Borderline. Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Sitting alone in an empty room. Boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening, clock sits ticking. Click, click, click, click, click. And in darkness, I lie down to find there are radwords in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point. Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo por el 104.9 de la FM o desde Radio Malva. Y también estamos en la parrilla de Radio Satapinto, Radio Pra Asturias y Lola Irratia y Radio Almaina de Granada. Hoy os proponemos un viaje fluvial por el Sena. Nos adentramos en aguas del Sena. Lo primero que nos encontramos es un penis. Gigantesco penis. Un penis o barcaza es un tipo de barco de transporte fluvial, adaptado para el transporte de mercancías. Originalmente, el casco construido en madera y remolcado evolucionó hacia una construcción de metal, primero remachada y luego soldada con el motor a bordo. El transporte fluvial de mercancías por ríos navegables ha existido desde hace mucho tiempo y ha sido un motor de desarrollo muy importante para algunos países. La navegación fluvial parece explicar el desarrollo económico europeo. Un poco de historia. Desde muy antiguo, los humanos utilizaron embarcaciones para navegar por ríos y lagos, bien para su desplazamiento o bien para el transporte de mercancías. El transporte fluvial se desarrolló durante siglos, sin embargo, la navegación se limitaba a las redes naturales, algunas veces salvajes y desconectadas entre ellas. En el siglo XV empezó la construcción de canales navegables y la navegación fluvial inició su expansión. Inicialmente, las vías fluviales eran utilizadas para el transporte de mercancías y personas. En el siglo XV, arquitectos y constructores franceses utilizaron nuevas invenciones para construir canales cada vez más largos que hacen más fáciles los intercambios y permiten el desarrollo de la navegación fluvial. Por aquel entonces se utilizaba como propulsión el tiro de animales desde los márgenes del río, donde suele haber un camino que inicialmente era utilizado para tirar de los barcos. Thank you. La péniche s'en va, tranquille au fil de l'eau, dans la campagne encore, engourdie de sommeil. Ma péniche s'en va, et les arbres badauds défilent lentement dans le premier soleil. Villages entrevus, mais dont je ne sais rien, hameaux clochers sans nom, sans foi redécouvert. Chacun vient à son heure et j'aperçois au loin le café de l'écluse avec ses volets verts. Un signe de la main là-bas sur son vélo s'éloigne en sifflotant l'ouvrier matinal. Et ma péniche suit tranquille au fil de l'eau son bonhomme de canal. Corbeil de la peine à Paris, ici j'avais raison, oui mais là j'avais tort. Les joies et les regrets devant moi sont inscrits, l'eau, la terre et le ciel sont un livre de bord. Ma péniche s'en vient, les enfants grandiront et viendront les amours. C'est ma vie qui s'en va, cette vie qui n'est rien qu'un voyage au long jour. Además de los penis, esos gigantes de 50 metros, con el motor y la cabina detrás, podemos ver cómo los que pilotan los penis viven, tienen su casa en la cabina. Se ve llevan el coche encima de la cabina y suelen viajar con su mujer. El golpe del contrabajo justo me lo dijo así. En el cuero de la cajita José lo resumba. Amado con el trinche, con la guayara que resumba. Cerro Juan Velázquez, trina como es, Adán en el llamador, o sea en la timba va resumbando como trina, y como va, el que no baila con las palmas porque está a vaya a dormir. Por el centro del río no hay mucho más que ver. En los márgenes, como siempre, está lo interesante. Hay muchos barcos más pequeños atracados en los lados del río. Muchísimos de ellos son viviendas y no parece que se muevan mucho. Hay de todo. Hay loft de lujo y chabolas. También hay chabolas en los márgenes, en tierra. Por detrás se ven los edificios y las naves de industriales. Algunos barcos están en muy mal estado, medio hundidos. A veces se agrupan muchos barcos como si fuese un cementerio. Parece que los han dejado ahí con todo, motores, baterías, y poco a poco se van, el río se los va tragando. La navegación en el río es parecida a la carretera. A veces hay camaradería, a veces es la ley de más fuerte. La gran diferencia es que no se ve mucho control. Nos acercamos a una esclusa. Esclusa, compartimiento con puertas de entrada y salida, que se construye en un canal de navegación para que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de diferente nivel, para la cual se llena de agua o se vacía el espacio comprendido entre dichas puertas. atravesar la primera esclusa, bajando el río como si fuese un escalón, continuamos navegando. El sistema de esclusas es como de compuertas que abren y cierran, parece que neumático, por el sistema de vasos comunicantes, y ese compartimento se llena o se vacía según vas ascendiendo o descendiendo del río respectivamente. En los márgenes también encontramos otros seres que buscan pequeños oasis, un montón de pájaros de especies muy variadas, patos, cisnes, gallinas de mar, no sé, muchos ni los conozco, pero de colores y tamaños y cantos muy diferentes. También podemos ver cormoranes, esa tecnología punta de la naturaleza, capaz de bucear, nadar, volar y andar. El río está lleno de vida, animales que buscan pequeños espacios y consiguen vivir. A veces cerca de las ciudades tienen pequeños lugares de libertad y humanos también, que habitan barcos de formas increíbles. Dicen que el francés es la lengua de los pájaros. También descubrimos que juegan mucho con las palabras. Incluso llegan a darles la vuelta. Hay un slang que dicen las palabras al revés, como las sílabas de cada palabra invertidas. Berlang se llama. Ne plus gueuler debout sur la table qui tremble, une bouteille à la main complètement défoncée. Ne plus semer au vent des billets de 100 balles, tout au long du chemin, sans même se retourner. Grâce à toi, j'ai connu tous les hostos de Paname. Tu y faisais des dessins pour pas péter les plombs. J'ai pas dit au revoir sur le pont de la péniche. Tu connaissais tout le monde, mais pour pas déranger, t'es resté dans ton coin avec du jus d'orange. Pas facile pour un prince d'essayer de changer. J'aurais dû me parler, j'aurais dû le comprendre. Sur le pont de la péniche, sur le point de couler. J'ai plus de meilleurs potes, et puis j'en veux pas d'autres, où je le laisserai crever. Comme je t'ai laissé en plan sur le pont de la péniche, quand je t'ai pas dit au revoir sur le point de couler. Mientras el barco permanece en el recinto, tiene que estar amarrado fuertemente y al mismo tiempo permitir soltar o recoger cuerda según se necesite. Se abren las compuertas y continuamos navegando. Dejamos atrás la gran ciudad y nuestros márgenes se llenan de verde, como si fuese una onda sonora en contraste con el cielo. Entre tanto se ven fábricas, refinerías, barcos grandes. El río no está demasiado limpio, y eso que es muy grande, 50 metros de lado a lado. Llegamos a la tercera esclusa. Bajamos del barco para tomar un café. Nos acercamos a la puerta del bar. Un montón de camiones en la puerta. Nos recibe una señora muy maja, con pinta de buena cocinera. Y nos pregunta, ¿pase sanitario? No. ¿Camionero? No. ¿Francés? No. Pues, bueno, pues un café para llevar. Ah, nos habíamos olvidado. Volvemos al río, donde no hay muchas reglas ni mucho control. Y podemos volver a olvidar. Y podemos salir de la puerta que le han puesto al campo. Voici, ça va vous étonner peut-être, mais de Georges Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Elle est traduite par un ami, Pierre Pascal, et à vous, je crois que j'ai pas besoin de la traduire en français. Vous savez, j'ai chanté à Madrid cette chanson et on m'a interrompu au moins 3 ou 4 fois dans un passage bien déterminé. Et c'est pas ça seulement. Je la chante parce que je dois beaucoup à Brassens, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la véritable chanson et tout. Et j'ai senti qu'on pouvait vivre en faisant des chansons. Mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Y en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Los penis de transporte fluvial comercial siguen siendo los dueños del río. Crean las olas que mueven todo. Hay mucha tecnología en el río. Grandes y modernos barcos. Pero también hay mucha precariedad. Se ven lagunas que comunican con el río. Lugares extraños, donde no hay nadie. Por fin llegamos al puerto. Uno de los numerosos puertos fluviales que hay a lo largo del río. Je prenais le temps voulu, j'y allais lentement mais sûr. Et si les voisins en colère de me voir partir comme un mendiant eurent un jugement de tonnerre sur toi, sur moi pendant tout ce temps. Maman, je suis revenu, il faut que tu comprennes la vie que tu m'avais voulu. Cette vie n'était pas la mienne. J'ai laissé mon frère, pardon. J'ai quitté mon père, mille excuses. Le premier vit, mais le second est mort de peine et l'on m'accuse. Mais les cerveaux mal pensants, les oreilles malentendantes, insultent toujours les passants, critiquent toujours les passantes. Maman, je suis revenu. Il faut que tu comprennes la vie que vous avez eue. Cette vie n'était pas la mienne. Je suis repassé une fois, maman, t'en rappelles-tu? Il était déjà mort, tu vois, le temps jamais ne se rattrapait-tu? J'ai bien voyagé tout ce temps, mon sac à puce ne m'a jamais quitté. J'étais dehors, j'étais dedans, joyeuse en vie, moitié mort affamée. Maman, je suis revenu, il faut que tu comprennes. Tu sais, la vie que j'ai eue n'aurait jamais été la tienne. Je vois qu'ici rien n'a changé, ça se passe comme dans mes rêves. Toujours le vent, toujours le blé, toujours les pins, toujours la serre. Qu'enfin vienne le temps des pleurs, des retrouvailles, des pardons, puis de l'oubli. Je suis malade et j'ai bien peur que ce soit là mes toutes dernières nuits. Maman, je suis revenu, mais la vie fait des siennes. Le temps de la trouver, vois-tu, pars sans qu'elle ne nous appartienne. Maman, je suis revenu, mais la vie fait des siennes. Le temps de la trouver, vois-tu, pars sans qu'elle ne nous appartienne. Pars sans qu'elle ne nous appartienne. Pars sans qu'elle ne nous appartienne. Pars sans qu'elle ne nous appartienne. El puerto parece una caravana donde la rueda de la camaradería y la solidaridad funcionan perfectamente. Un montón de historias, de sueños, de precariedad, de libertad. Barbare, pour un futur incertain. de l'inflation. Des cieux vont pleuvoir des pistons. Que je ne tiendrai jamais. Il s'agit d'être élu, il n'y a pas de mais. Il s'agit d'être élu, il n'y a pas de mais. Algunos no se mueven nunca, otros muy poco, y algunos intentarán cruzar el océano. Tu as réussi, ton enfance, tu es ma sœur de sang. Comme la chanson ne tourne pas dans tous les sens du vent. Souviens-toi des sons de cette chanson. De notre errance. Pleure, petite sœur, ne va pas croire, la différence est là. S'il est un chagrin, sans solution existe celui-là. Et ne lui veut pas plus qu'il n'en faut pour vivre ça. Et vivant des heures, ma mère ne demande plus pourquoi. Les yeux vers le ciel, plus une larme coule, de cette vie coule déjà. 20 ans et pourtant, le chagrin d'antan s'effacera. Si le diable croit à le chemin des yeux de l'ignorance, par un bien triste but, tant il ne put chaparder l'espérance. À peine 2 ou 3 gouttes de sueur et de peur à l'instant de douleur. Mais lui, sa vengeance intelligente fut sa fierté de gueux. Surpasser l'altitude de ce qui mène, ne dépassant un pied ou deux. Décide l'avenir, les suicides et les rires, les gens des cieux. Serrons-nous l'un contre l'autre, serrons-nous les apôtres, parcourons les chemins. Bienheureux des rivières, des montagnes, du désert, et servant les refrains. Moi, je te défie d'ennui, je te prends comme ami, à tort et à perte. Enfin, la tête dans des nuages, tutoyant les marges, décidant mon soleil, mon orage. Ayant réussi une seconde d'une vie, ami, merci. Pero para habitar en un barco necesitas saber de casi todo. Y si no lo sabes tú, lo puedes saber el de al lado. Ves auténticos expertos en algunas cosas, en mecánica, en navegación, en un montón de historias. Pero rara vez ves a alguien que llene todos los campos. Siempre hay algún hueco por llenar. Y normalmente se llena con la solidaridad. Y como no, se llena con la fiesta, con la música, con el compartir. Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi, ils sont venus me mettre un matin. Hélas, sur la route de Rennes, mauvais destin, c'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens, en trahissant naïvement tous les miens. Mais ne vous l'avais-je pourtant pas prédit, vous mes amis, cette chanson vous est un peu dédiée, me laissant une chance de me justifier sur ce temps qui vous fit d'ailleurs merci bien des soucis. Preuve quand même que rien n'est jamais perdu, qu'il y a toujours une place pour le traître vaincu. Pour moi l'ami qui jour après jour devint un inconnu, rappelez-vous c'était il n'y a pas si longtemps, un soir décidé j'ai changé de camp, mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie, moi la grande gueule des chemins rebelles. Une nuit mes idéaux se sont fait la belle, pour des yeux marrons, des cheveux bruns, bref, pour une belle qui avait la couleur des promenades, la douce odeur du parfum des grenades, qui justifiait son titre de bombe de grenade. Mes prières ne lui en voulaient pas trop, autant vrai qu'elle m'ait retourné le cerveau. Je fus moi-même juge condamné, coupable, truand, bourreau. Enfin donc un soir j'ai changé de peau, j'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau. Et malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire, j'ai pris le ticket pour le triste bateau, celui qui vous dérive au fil de l'eau. Et vous mène peu à peu dans un bien triste bouillard, j'ai pas fait semblant de toucher le fond. Bien sûr j'ai pris l'alcool pour compagnon, juste à gauche de la nuit, les poches pleines de hasard, j'ai joué le rôle des piliers de comptoir, l'alcoolique de service des fins de bar. Celui qui traînement et mendie de trois coups à boire, c'était Fredo, le rigolo du quartier, le gentilhomme, le brave, le bien-aimé, celui qui a toujours le sourire mais qui nous fait pitié. Et un soir un homme m'a sauvé la vie, c'était pas Jésus, c'était pas Dieu, pardi. Juste un homme de passage qui avait bien vécu, un sage, il connaissait mon prénom, quel hasard. Puis il m'a dit je t'échange une histoire, contre ta liberté, assurément j'ai accepté. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que comme m'a dit ce sage à la fin du compte, quand t'as touché le fond du fond, soit tu crèves, soit tu remontes. Et j'ai pris la meilleure solution, abandonnant toutes mes ambitions, celle qui un beau matin au coin de la gueule vous insulte, celle qui au fil des expériences, du vécu, des atouts, des vues de sa science, celle qui sans prévenir vous fait devenir adulte. Et le pire, le comble de cette fin sombre, m'en revenant du pays des décombres, tous mes amis avaient également disparu, j'ai bien eu du mal à les reconnaître, dû au sérieux de leurs tristes yeux peut-être, je me suis aperçu qu'ils étaient tous devenus. Alors, sait-on jamais où les vents nous mènent? moi ils sont venus me mettre un matin. Sait-on jamais où les vents nous mènent. Moi ils se sont bien moqués de ma peine. Sait-on jamais où les vents nous mènent. Moi ils sont venus m'apprendre un matin. Sait-on jamais où les vents nous mènent. Moi ils se sont bien moqués de ma peine. Son Christian Barbier con My Peniche Semba, Lynn Marlins Dance My Peniche Upon the Sun Cloud y La Mala Reputación de Paco Ibáñez, esa versión de George Bersen. El Peniche, en esa guaracha de Aníbal Velázquez y su conjunto, El Peniche de 1976 de María Rodríguez, Trabajo, Familia y Patria de Gogol primer, de Les Ogres de Barbac escuchamos Boyer y también Contes, Bens et Mar, Peniche de Carpat y de Zebda La France para terminar. Bueno, esto ha sido Díscola desde el río Sena, enviado especial de Radio Malva en Francia. Nos despedimos hasta la semana que viene. Disculpad las semanas de vacío, pero es difícil. Ya tenemos la unidad móvil a full y seguiremos informando. Hasta la semana que viene. Spécial dédicace, on est d'accord. On est d'accord. Spécial dédicace à toutes les autres personnes. Spécial dédicace à Roubadon. À Roubadon. Si c'est dédicace. Si c'est dédicace. Si c'est dédicace. Si c'est dédicace. Spécial dédicace. Ceux qui sont ici ce soir. Spécial dédicace. Tous les ragamantés. Spécial dédicace. Ceux qui ont la fine voix. Spécial dédicace. Pour pas qu'ils pensent. Spécial dédicace. Tous les blondinés. Spécial dédicace. À vous monsieur, à vous madame. Spécial dédicace. Tous les basanés. Spécial dédicace. Français, j'ai tous mes papiers, je suis en règle. Et pour les coutumes, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout en pied, je suis bien intégré. Nationalité, depuis 4 années, je suis français. Et dans ton quartier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des policiers, et les chambres, allez, je peux les narguer. Oh, les autres chers, car tout le monde, tu t'es montré. Jaune, blanc, cassé. Moi, je pense ici, j'ai des choses à dire à ceux qui sont pas d'ici et aux souches profondes. Cochon de Bretagne, aussi le mal est fait, et tu finiras terré dans ton troisième état. Le fusil à grenade, posé sur la télé, le creeper enragé, partant un temps de haine, il gâtera sa chaîne, et bien va te bouffer, un bosseur est délec, renvoyé à la bordelle. Je mange pas des haines, je mange pas des cochons, je mange que du poulet, et du couscous mouton. Je mange pas des haines, je mange pas des cochons, parfois du cassoulet, et du couscous mouton. Je mange pas des haines, je mange pas des cochons, je mange que du poulet. Moi je suis français. Toi avec la gueule entre tas, j'ai tous mes papiers, je suis un régulier. Et ta spécialité braver, c'est le couscous au magret, le tagine en cassoulet, soulé. Nationalité mal, j'ai pas fait l'armée, ils m'ont réformé. Dans mon quartier, qu'est-ce qu'il y a? Y a des bons, y a des condés. Viens de chambrer, allez, je peux les larguer. Ok, les officiers, carte d'identité montrée, Jaune. Et au sous profond, si t'écoutes pas ici, les discours de castagne, du cochon de Bretagne, c'est normal, et tu finiras terré dans ton troisième étage, le fusil à grenade sur la télé, le clip à enragé, partant et ton haine, il gâtera sa chaîne, et bien dans ton bouffet.